ce qui se passait au mariage des rois par le docteur Cabanes. Si nous voulions relater dans ses moindres détails le cérémonial des unions princières, un volume n'y suffirait pas. Nous nous bornerons à faire un bref exposé de quelques coutumes singulières qui se pratiquaient au mariage des rois. On sait que jusqu'à notre siècle, rois et reines se sont mariés par l'intermédiaire d'un procureur. Dans les mariages entre souverains, c'était autrefois l'usage que le fondé de procuration mit la jambe droite jusqu'au genou dans le lit de la princesse qu'il avait épousée. Louis de Bavière, qui épousa la fille de Charles le Téméraire, au nom de l'archiduc Maximilien d'Autriche, se conforma à la tradition. Le but était de rendre le mariage d'autant plus certain, et afin que la princesse, qui avait souffert cette sorte d'approche de la part d'un homme, ne pût s'en dédire ni trouver un autre époux. On assure que l'empereur Maximilien épousa de cette façon Anne de Bretagne avant qu'elle se fût unie à Charles VIII. Mais soit par scrupule de conscience, soit pour tout autre motif, il fallut bien des théologiens et informateurs de conscience, de l'Écriture sainte et des exemples, avant que la princesse voulût écouter les propositions de mariage avec Charles VIII. Le mariage de Clovis et de Clotilde avait également eu lieu par procuration. Clovis, voulant obtenir Clotilde, avait dépêché vers elle des députés chargés de lui offrir un sou et un denier, selon l'usage des francs. « Ut mos erat francorum », écrit Frédégère. Cet usage subsistait encore au XIIIe siècle. Le désir de conserver la race belle et pure dans les familles nobles avait donné naissance à une non moins étrange coutume qui nous a été révélée par une phrase de Froissart. Cet historien écrit au sujet du mariage de Charles VI avec Isabeau de Bavière. « Il est d'usage en France que quelconque dame, comme fille de haut seigneur qu'elle soit, il convient qu'elle soit regardée et avisée toute nue par dame, à savoir si elle est propice et fourmée à porter enfant. » Les dames ou matrones qui procédèrent à l'examen d'Isabeau durent se montrer satisfaites puisque le mariage eut lieu, et la reine ne démentit pas leur verdict, car elle donna à son royal époux pas moins de 12 enfants. À la cour de Florence, s'il faut en croire Brantôme, on s'y prenait d'une autre manière. Non pour savoir si l'épouse aurait ligné, de cela on avait cure, mais si elle était, comment dirons-nous, intacta virgo. Le passage qui suit est extrait de l'édition des œuvres de Brantôme qui se trouve dans la salle publique de la Bibliothèque nationale à la disposition du lecteur. Cette simple remarque nous justifiera du reproche qu'on pourrait nous faire de ne point voiler suffisamment notre langage. « Je n'allégrais, écrit le biographe des Dames Galantes, que ce seul exemple de Madame la Grande Duchesse de Florence, d'aujourd'hui de la Maison de Lorraine, laquelle étant arrivée à Florence le soir que le Grand-Duc l'épousa, et qu'il voulut aller coucher avec elle pour la dépuceler, il la fit avant pisser dans un beau urinal de cristal, le plus beau et le plus clair qu'il put, et en ayant vu l'urine, il la consulta avec son médecin, qui était un très grand et très savant et expert personnage, pour savoir de lui par cette inspection si elle était pucelle, oui ou non. Le médecin l'ayant bien fixement et doctement inspissée, il trouva qu'elle était elle comme quand elle sortait du ventre de sa mère, et qu'il y alla hardiment, et qu'il n'y trouverait point de chemin nullement ouvert, frayé ni battu. Ce qu'il fit, et en trouva la vérité telle, et puis, lendemain, en admiration, dit « Voilà un grand miracle que cette fille soit ainsi sortie pucelle de cette cour de France. » Le même Brantôme nous entretient de la jeune Charlotte d'Albret, l'une des belles filles de la cour, au dire du biographe des Dames Galantes, laquelle fut livrée comme épouse par le roi de France, son parent, à l'infâme César Borgia, dans des circonstances qui méritent d'être rapportées. Les accordailles s'étaient faites à Chinon, où le mariage fut consommé 2 jours après. Les burlesques épisodes de la nuit de noces divertirent fort la cour aux dépens du Valentin. Celui-ci ne s'était pas contenté de faire bénir le lit par un prêtre pour se préserver des maléfices et du nœud de l'aiguillette, mais appelant à son aide le médecin après la religion, il avait demandé des pilules à l'apothicaire pour festoyer sa dame. L'apothicaire, gagné sans doute pour commettre un quiproquo funeste au nouveau marié, prépara des pilules laxatives, et César ne cessa d'aller au retrait pendant toute la nuit. L'usage était alors de placer des sentinelles et custides à la porte de la chambre nuptiale. et les dames, qui se tenaient aux écoutes, rapportèrent le lendemain la mésaventure du pauvre épousé, que poursuivit longtemps la risée générale. Car il y avait une sorte de point d'honneur à bien employer la bienheureuse nuit. La preuve en est qu'un écrivain italien, dont les assertions n'ont pas toujours, il est vrai, rencontré une créance unanime, affirme que loin d'avoir eu la posture ridicule que lui prêtent les mémorialistes français, Borgia se conduisit au contraire, vaillamment auprès de sa jeune épouse, à qui il n'aurait pas donné, moins de 8 fois dans la journée, des preuves de sa tendresse. Le mariage devant témoin se continua longtemps dans les cours royales, et non pas seulement en France et en Italie, où l'on a toujours tendance à croire que les mœurs sont plus relâchées, mais le croirait-on jusque dans la puritaine Angleterre. Avant d'épouser Charles Ier, la sœur de Louis XIII aurait été soumise à une épreuve singulière. Elle fut, dit-on, déshabillée et visitée par des matrones en présence d'une commission de dames anglaises. On voulait reconnaître si sa conformation promettait des héritiers au trône d'Angleterre. Louis XIII avait entendu ainsi donner à Charles Ier une garantie qu'exigeaient autrefois les rois de France et qu'il regrettait peut-être de ne pas avoir exigé pour son compte. Dans le récit que nous avons publié du mariage de Louis XIII, nous avons compté qu'à un moment, tout le monde s'était retiré de la chambre où s'étaient couchés les deux époux, à part les deux nourrices du roi et de la reine. Serait-ce l'une de ces deux femmes qui remplit le singulier rôle que nous a révélé la lettre suivante adressée par Jamet le Jeune à Lefranc de Pompignan à la date du 23 décembre 1763. En tout cas, le document ne manque pas de saveur. Monsieur, en 1739, monsieur l'abbé de H me demanda pour vous un exemplaire que je possédais de votre belle dissertation latine sur les antiquités de Cahors imprimée en 1746, qui vous manquait alors, et que vous étiez fort curieux d'avoir. Je fis volontiers l'abandon de cette curiosité, rare ici, par considération pour vous, monsieur, et par bonne volonté pour lui. J'avais joint, manuscrit à la suite de l'ouvrage, à l'occasion du nom de famille Colombiano, une anecdote avec une petite estampe singulière de l'an 1615, qui prouve qu'autrefois nos rois et nos reines, dans les premiers jours de leur mariage, étaient accompagnés à la ruelle du lit, d'une vieille dame de qualité, experte et rompue au métier, choisie pour modératrice, arbitra, de leurs plaisirs nuptiaux. L'estampe en question représentait ce manège aux noces de Louis XIII. Je prouvai de plus que cet usage bizarre eut encore lieu au mariage de Don Carlos, roi de Naples, en 1738, par une lettre de feu M. l'abbé de Beauvau, primat de Lorraine, écrite de fait rare, que je rapportais. Monsieur le président Hainaut, à qui je communiquai il y a plusieurs années ce fait qu'il ignorait, le regarda comme un trait d'histoire tout à fait plaisant, inconnu à nos anecdotiers et méritant de plus amples éclaircissements que je produisais et que vous avez. J'ignore s'il en sera touché quelque chose dans les curieuses recherches sur nos reines et les concubines de nos rois du savant Monsieur Dreux du Radier qui viennent de paraître. Mais cela vaut pour le moins l'anecdote unique sur l'antipathie de Louis XIII pour les tétons que j'ai fait insérer dans le conservateur et qui ne se trouve que là. Nous nous sommes mis à la recherche de la lettre de l'abbé de Beauvau à laquelle fait allusion Jamet, et nous avons été assez heureux pour la retrouver. Cette lettre, datée de Ferrare, le 4 juin 1738, est adressée à monsieur de la Galaisière, intendant de Lorraine. La voici, telle que nous l'avons transcrite d'après l'original. On ne peut être plus sensible que je le suis, monsieur, aux marques de souvenir dont vous m'honorez dans votre lettre du 16 mai, que je viens seulement de recevoir, parce que ne m'étant pas trouvé à Florence, il a fallu me la renvoyer ici, où je suis depuis 2 jours avec mon père, qui attend la reine des deux Siciles pour la complimenter de la part du grand-duc. Elle y arrive ce soir et sera reçue aux confins des états du pape à ceux des Vénitiens par M. Chigui, nonce extraordinaire et hors de la porte de cette ville par M. le cardinal Mosca, légat de Ferrare et légat ad latere pour une commission. Ses instructions portent que lorsqu'il verra arriver la reine, il descendra de son carrosse et que sa majesté en fera autant de son côté ou du moins se mettra en devoir de le faire. Mais M. le cardinal d'Acquaviva a déclaré en arrivant ici que bien loin que la reine descendit de carrosse, elle n'en ferait pas même le moindre semblant. Le légat était d'autant plus étonné de cette déclaration qu'on avait communiqué à Rome ses instructions au cardinal Acquaviva avant son départ et que celui-ci n'y avait rien trouvé à redire. Dans cet embarras, il a envoyé un courrier à Rome pour savoir comment se régler, et ce courrier n'étant point revenu, il proteste qu'il ne fera pas un pas au-devant de la reine. Cela est capable de brouiller la cour de Rome avec celle de Madrid et de Naples, car le moindre point de cérémonial est regardé comme d'une très grande conséquence. La reine ne couchera ici qu'une nuit et continuera avec toute la diligence possible son voyage pour Naples, où le roi est très impatient de la posséder, ayant été retenue jusqu'ici dans une parfaite continence, quelque dure qu'elle lui parût. Il viendra à Gaété, éloigné de 12 lieues de Naples, au-devant de la reine. Là se consommera le mariage, et la princesse de Columbiano jugera des coups pour qu'il ne se fasse aucun excès. Il n'y a rien de tel que les diplomates pour dire avec mesure, mais néanmoins avec toute la précision désirable, ce que soulignerait, avec trop de rudesse, quiconque n'est pas rompu avec le langage des cours. Bien placés pour observer ce qui se passe, même dans l'alcôve des monarques, les hommes chargés des missions les plus secrètes s'acquittent de leurs tâches avec un tact qui justifie la confiance dont ils sont investis. On ne saurait être mieux renseigné que par eux sur les détails les plus intimes. Veut-on savoir, par exemple, ce qui se passa dans la soirée le lendemain de la première nuit que M. le Duc et Mme la Duchesse de Bourgogne avaient passée ensemble? L'introducteur des ambassadeurs de l'époque se trouve à point nommé pour satisfaire notre curiosité. Le vendredi matin, 23 octobre 1699, il écrivait à un de ses amis « Enfin, M. le Duc de Bourgogne, en arrivant hier soir à Fontainebleau, coucha pour la première fois avec Mme la Duchesse de Bourgogne. La chose est faite sans aucune sorte de cérémonie ni de concours. Il y a même longtemps que je n'ai vu la cour moins grosse. » Madame la Duchesse de Bourgogne, qui soupa chez Madame de Maintenon, s'alla coucher vers 10 heures et si inopinément qu'hors sa première femme de chambre, les autres femmes et la plupart de ses domestiques ne s'y trouvèrent pas. Et Monseigneur le Duc de Bourgogne, qui soupa avec le roi, s'alla d'abord après souper déshabillé dans son nouvel appartement de Madame la Duchesse de Bourgogne. Dès qu'il fut déshabillé, il passa chez Madame la Duchesse de Bourgogne, et tout cela se dépêcha si vite que le roi, qui leur avait dit qu'il irait seul par les derrières de leur appartement aller voir dans le lit, y arriva trop tard et n'entra point. Monseigneur le Duc de Bourgogne avait la tête fort frisée, et la magnificence de son déshabillé et sa toilette sentait la noce. Il partit de son appartement avec un air courageux et assez enjoué, et comme j'avais l'honneur de lui tenir son bougeoir, je le conduisis jusqu'à la porte du champ de bataille. Pour Madame de Bourgogne, elle versa beaucoup de larmes toute la soirée chez Madame de Maintenon, et le roi nous a dit, à son petit coucher, qu'il y avait déjà 4 ou 5 jours que sa pudeur alarmée avait commencé à la faire pleurer. Comme il est à la mode, depuis plusieurs années, d'éviter à notre cour toutes sortes de cérémonies et tout ce qui peut avoir l'air d'une fête, M. de La Rochefoucauld, que vous savez qu'il est souverainement, loua fort le roi à son coucher d'avoir passé cette soirée sans aucun bruit ni appareil. Et Sa Majesté répondit que M. et Mme de Bourgogne, étant mariés depuis 2 ans, il lui semblait que tout appareil devait être banni et qu'il fallait les laisser coucher ensemble pour la première fois sans y donner plus d'attention que s'ils eussent commencé d'y coucher dès le jour de leurs noces. Le matin, dès 8h30, Monseigneur le Duc de Bourgogne a passé dans son appartement. On a été à son lever ordinaire, avec pourtant un peu plus d'empressement de la part des vieux courtisans. Comme ce prince est d'une santé fort délicate, il avait les yeux fort battus et paraissait très fatigué. Tirez-en vos conséquences. Pour Madame la Duchesse de Bourgogne, dès qu'elle a été hors du lit, c'est-à-dire sur les 9 heures, elle est montée en carrosse pour aller à Saint-Cyr joindre Madame de Maintenon, qui y est allée dès le grand matin à son ordinaire. Elles n'en reviendront que ce soir, sur les 7 heures, dans le temps que le roi reviendra de Marly, où il est allé voir les beautés qu'on y a faites pendant son séjour à Fontainebleau. Il n'y aura ce soir ni comédie, ni appartement, ni aucune sorte de divertissement. Monseigneur le Duc de Bourgogne couchera dans son appartement, sa délicatesse ne permettant pas qu'on le laisse coucher tous les jours dans le lit de Madame de Bourgogne. L'arbitrat de tout à l'heure la modératrice des étreintes conjugales, n'aurait pas été de trop. Elle eût trouvé là l'occasion d'exercer les privilèges de sa charge. S'il y a toujours intérêt à comparer les mœurs du passé aux nôtres, il serait imprudent d'en conclure que nos ancêtres valaient moins que nous. Les actions des hommes d'autrefois ne doivent point être jugées avec nos idées actuelles, et comme l'a dit Mérimée, ce qui est crime dans un état de civilisation perfectionnée n'est que trait d'audace dans un état moins avancé, et peut-être est-ce une action louable dans un temps de barbarie. Chaque siècle, pourrait-on presque dire, à sa morale, et là où nos pères se contentaient de sourire, nous nous voilons la face dans un accès d'indignation vertueuse. Que dirait-on aujourd'hui d'une mère qui raconterait à son fils comment s'est passée la première nuit de noces de sa sœur? On n'aurait pas assez d'épithètes pour flétrir un tel manque de sens moral. Mais si nous observons que nous sommes sous le règne du bien-aimé, à une époque où les scandales les plus notoires sont taxés de vulgaires peccadilles, nous inclinerons aussitôt à l'indulgence. Quand Louis XV maria son fils à la fille de Philippe V et d'Élisabeth Farnèse, il ne voulut charger personne du soin d'instruire le dauphin. C'est lui-même qui entendit l'accompagner jusqu'à la couche nuptiale et lui apprendre, en homme parfaitement renseigné sur ces matières, la conduite qu'il devait tenir à l'égard de sa jeune femme. Racontard que tout cela, papotage d'office, recueilli par des valets mal intentionnés, murmurèrent les sévères gardiens de la morale. Que diront-ils si nous leur prouvons que c'est dans la correspondance même d'Élisabeth Farnèse, conservée à l'Archivio di Stato de Parme, que notre distingué collègue, M. Casimir Strienski, au cours de recherches sur le gendre de Louis XV, a découvert la curieuse pièce qui confirme nos dires. Cette lettre fut adressée par la reine d'Espagne à son fils, Don Felipe, alors à l'armée d'Italie. Au Prado, ce 10 mars 1746. Je vous promis hier que je vous écrirai des nouvelles du mariage de votre sœur. Je vous les dirai, mais il faut que vous me gardiez le secret, et surtout avec l'infante. Louise-Élisabeth, fille de Louis XV et femme de Don Philippe. Car comme elle pourrait l'écrire là-bas, nous ne pourrions plus rien savoir. Or donc, je suppose que vous savez déjà que le roi instruisit le dauphin un quart d'heure avant qu'il se coucha, comme il ne savait rien du tout. Soit que le respect de son père ou que l'aventure l'étourdit, il n'entendit pas bien la leçon. Ainsi, la première nuit se passa à la baiser et l'embrasser, et dans ses transports il lui arriva du malheur. Il se pâma et crut qu'il allait mourir, et surtout parce qu'il se sentit la chemise toute mouillée. Enfin, le matin, le roi les étant allés voir qu'ils étaient encore dans leur lit, il leur demanda s'ils avaient bien passé la nuit, et par les réponses du dauphin, il reconnut qu'ils n'avaient rien fait. Il sortit de la chambre et alla chercher la nourrice, lui disant comment ce dauphin n'avait pas fait son devoir, et grondant la nourrice. Il tâcha de l'apaiser, apaiser son fils, et lui dit que ce qui ne s'était pas fait un jour se ferait l'autre. Ainsi il se tranquillisa et l'instruisit mieux, et la nuit suivante on dit que salio maestro, et qu'il prit tant de goût à mourir doucement, qu'il arriva qu'il en fut malade, et qu'il a fallu lui dire qu'il se ménagea un peu. Or, un soir, il confessa à sa mère et à sa femme qu'il n'y avait autre chose à faire pour engrossir sa femme que de la baiser et l'embrasser, que quand elle restait grosse, l'accoucheur ouvrait le ventre à la femme et lui tirait l'enfant. Je vous laisse à penser s'ils en rirent, et moi aussi quand je vis cette lettre, et je ne doute pas qu'il vous arrivera la même chose quand vous lirez celle-ci. Mais ce qui me fit plaisir, c'est qu'il était innocent là-dessus et qu'il n'avait aucune malice. Ainsi il sera fort sain. Nous sommes à l'ordinaire et les autres biens, et ayant fini mon compte et n'ayant plus rien à dire, je finirai, mon très cher fils de ma vie, en vous embrassant de tout mon cœur et en vous assurant que je prie toujours pour vous. Élisabeth. Le 22 juillet 1746, la première femme du dauphin mourait en couche. 6 mois après, le fils du roi se voyait contraint, par raison d'état, de se marier avec la fille d'Auguste III. Il avait 18 ans, elle en avait 16. Le dauphin fut, paraît-il, très ému au moment de la mise au lit. Dans la chambre même où il se trouvait, 2 années auparavant, la même foule de princes, princesses, ambassadeurs était assemblée pour le coucher d'une autre dauphine à laquelle il gardait un très tendre souvenir. Il ne put se défendre de pleurer. mais il faut croire qu'après avoir donné libre cours à ses larmes, il réussit à se consoler, car voici la dépêche qu'adressait le comte Loos, ambassadeur de Saxe en France, au comte Bruellet, premier ministre d'Auguste III. 11 février 1747. Monseigneur, en conséquence de ce que j'ai eu l'honneur de demander hier à votre Excellence par un courrier français, je prépare nos dépêches pour faire partir sans délai le courrier du cabinet Pénache avec la nouvelle intéressante de l'heureuse consommation du mariage de Madame la Dauphine avec son auguste époux, et j'hésite d'autant moins d'en rapporter à votre Excellence toutes les petites particularités qui sont parvenues à ma connaissance, afin qu'elle en puisse rendre un compte exact à leur Majesté, que je les tiens pour la plupart de la bouche du roi très chrétien, qui me fit l'honneur de m'en informer hier au soir au grand appartement. Toute la nuit, du 9 au 10 jusqu'à 2 heures du matin, s'était passé en vains efforts de la part de Monseigneur le Dauphin. Après 2 heures de sommeil, que prirent nos deux sérénissimes époux, ces efforts furent renouvés avec plus de vigueur, mais encore inutilement, de sorte qu'on se leva sans que Monseigneur le Dauphin eût pu achever l'ouvrage dont il était question. Je m'en aperçus d'abord en faisant la cour à Monseigneur le Dauphin, à son lever, qui avait les yeux extrêmement échauffés, l'air fatigué, beaucoup moins gai et extraordinairement rêveur, croit que je ne remarquasse rien sur le visage de Madame la Dauphine, sinon qu'elle était un peu abattue faute d'avoir dormi. Je fus confirmé dans mes conjectures par Madame Dufour, sa première femme de chambre, à laquelle elle avait fait confidence de son aventure. Monsieur le Dauphin, de son côté, bien résolu de ne point laisser passer la journée sans venir à bout de son entreprise, déshabilla lui-même sa sérénissime épouse, d'abord qu'ils eurent dîné ensemble, et acheva sur un canapé ce qu'il n'avait pu effectuer la nuit. Madame Dufour fut appelée au secours pour faire changer de chemise à la nouvelle mariée. Monseigneur le Dauphin fut d'un contentement qui surpasse tout ce qu'on pourra s'en imaginer, et qualifia, immédiatement après cette expédition, son auguste épouse du nom de sa chère femme. La nouvelle en fut portée dans l'instant au roi très chrétien, qui en fut dans une grande joie. Notre nouvelle dauphine se plaignit un peu à sa femme de chambre de la trop grande ardeur de Monseigneur le Dauphin, s'habilla et parut au soir au grand appartement avec ses grâces ordinaires qui lui ont déjà attiré tous les cœurs de la nation. J'ai su que Monseigneur le Dauphin, en se levant, s'était plaint le matin à ses confidents, en leur contant son désastre, qu'il avait trouvé auprès de la nouvelle mariée la même difficulté qui avait été un obstacle à ses désirs auprès de sa première femme, le chemin ayant été trop étroit pour se frayer un passage, et qu'il avait paru fort inquiet de cette difficulté, appréhendant qu'il ne lui arrivât la même chose qu'avec la défunte dont il n'avait pu venir à bout qu'après le retour de la première campagne qu'il fit avec le roi très chrétien. Heureusement, toutes ses craintes sont évanouies. Au reçu de cette dépêche, son destinataire répondit : Le courrier Pénache arriva avant-hier à midi avec les dépêches de votre Excellence. Au rapport que j'en ai fait au roi, Sa Majesté a autant ri de la vigoureuse défense de la forteresse assiégée qu'elle a témoigné de parfait contentement de la reddition et de la joie qu'en a éprouvé le vainqueur. Ses ambassadeurs avaient le mot pour rire. Il existait jadis une coutume qui faisait partie du cérémonial du mariage, c'était la bénédiction du lit. La bénédiction du lit nuptial était regardée comme indispensable et nul n'aurait songé à s'y soustraire. On en trouve la formule dans les plus anciens rituels. Elle était encore mise en pratique à la fin du XVIIIe siècle. Louis-Joseph de Bourbon-Condé venait d'autoriser, après bien des hésitations, son fils unique à s'allier à une princesse de la maison d'Orléans. Les futurs étaient encore bien jeunes et de plus cousins germains. Mais quand l'amour se met de la partie, les obstacles sont vite levés. Leur union allait-elle enfin se consommer? L'étiquette si rigide de la cour de Versailles, qui avait conservé tant d'us plusieurs fois séculaires, était là qui réclamait ses droits. Des princes et des princesses ne sauraient passer leur nuit de noces, selon l'expression d'un historiographe, à qui nous emprunterons les particularités qui vont suivre, après en avoir vu le pudique mystère dévoilé aux yeux de tous en vertu des mondaines exigences de la piété officielle. Cette cérémonie rentrait dans les attributions du grand aumônier. Elle était présidée par le roi lui-même et la cour y assistait. La jeune duchesse était tenue de s'y trouver en robe de chambre, le jeune duc en habit, mais sans chapeau et sans épée. Mais passons la parole au narrateur. Le prélat s'approche de la couche nuptiale, l'aspersoir à la main. Il fait tomber la rosée sainte sur les couvertures moelleuses et les draps neigeux. Derrière les courtines qu'elles ont déployées, la princesse est menée au lit par ses femmes. Pendant ce temps, le prince est sorti de la pièce. Il y revient, à demi-vêtu, pour recevoir sa chemise des mains du roi. Il sort de nouveau, achève de se déshabiller, et reparaît en robe de chambre et en pantoufles, le bonnet de nuit à la main. Il se met au lit à son tour. Les rideaux, restés fermés jusque-là, sont aussitôt tirés, d'un côté par le premier gentilhomme de la chambre du duc de Bourbon, de l'autre par la dame d'honneur de la duchesse, et la cour est admise à contempler le jeune couple. Il reçoit, en cette situation singulière, les compliments du roi. Le prince reste la tête découverte tant que Sa Majesté ne s'éloigne pas. Les deux altesses, enfin délivrées de leur assujettissante figuration, ne vont plus être sans doute que deux jeunes gens heureux de s'abandonner à leur mutuel amour. Mais un tout autre dénouement se prépare. La faculté a fait de respectueuses observations au duc d'Orléans et au prince de Condé sur l'âge du marié, qui ne permettait point d'espérer qu'il pût avoir dès ce moment une forte et vigoureuse descendance. Ces princes, accueillant une opinion si sage, ont décidé que la cohabitation de leurs enfants serait différée. Le duc de Bourbon voyagerait, la duchesse retournerait à son couvent. On vient donc quérir les époux en leur lit, et force leur est d'aller finir la nuit chacun chez soi. La belle ordonnance de leurs noces ne s'en poursuit pas moins le lendemain. À 5 heures après-midi, la nouvelle duchesse est honorée de la visite du roi et de celle de la famille royale. Elle est étendue en grand habit sur son lit. À côté de ce lit, il y a un fauteuil pour Sa Majesté et des pliants dans le reste de la chambre au cas qu'elle veuille faire asseoir des dames. Louis XV salue et complimente sa cousine, l'air un peu narquois, sachant qu'elle n'a pas encore obtenu la réalisation de ses vœux. Au bout d'un moment, il est reconduit chez lui avec la pompe accoutumée. Beaucoup, dit en terminant le narrateur, s'amusaient de leur déconvenue, étonnés qu'ils eussent pu se croire mariés pour de bon. Ils ne tardèrent pas à mettre les rieurs de leur côté. Comme dans une opérette donnée de nos jours, et dont leur aventure a sans doute inspiré le livret, le petit duc enleva prestement sa femme du couvent. Ils tombèrent aux bras l'un de l'autre, lui, très fier d'avoir fait preuve d'une audace à la Condé, elle, ravie d'avoir été traitée en héroïne de roman. Quand Napoléon eut projeté de prendre pour femme Marie-Louise, archiduchesse d'Autriche, l'archiduc Charles représentait l'empereur au mariage par procuration, et c'est Berthier qui fut chargé d'amener la jeune impératrice à son époux, qui l'attendait avec une impatience qu'il eut, dit-on, quelque peine à contenir. Il est juste de dire cependant que dans ses instructions à Berthier, Napoléon lui recommanda, entre autres choses, de ne pas trop se hâter, si la santé de sa future femme devait souffrir de cette hâte. La pensée de l'empereur était évidente, écrit à ce propos M. Vandal. Il eût été fâché que Marie-Louise lui arrivât épuisée par une marche précipitée et par d'interminables représentations, lasse de corps et d'esprit, mal préparée aux émotions et aux épreuves qui l'attendaient. Il la voulait toute fraîche, parfaitement remise, en plein épanouissement physique et moral. Comprenant le maître à demi-mot, Berthier entoura désormais l'impératrice de soins attentifs et constants, la couvant avec une sollicitude de mère. Dès Stuttgart, il écrivait, en rendant compte d'une soirée passée à l'opéra de cette ville, « Comme il y faisait un peu froid, l'impératrice n'y restait qu'une petite demi-heure. Malgré cette prudence, Marie-Louise contracte un léger rhume. Berthier redouble de précautions et le rhume est guéri. » À Strasbourg, des instructions rigoureuses avaient été données par le maréchal pour que l'on ne fît pas veiller l'impératrice et pourvu qu'elle fût rentrée dans ses appartements à 9 heures. À Nancy, même consigne. Berthier écrit « Je viens de voir le préfet et 3 députés de la ville. J'ai arrangé les fêtes que recevra Sa Majesté, de manière à la fatiguer le moins possible et à ce qu'elle soit couchée à 9 heures. » Enfin, il se portait garant que Sa Majesté arriverait à Compiègne bien portante. Le grand maréchal entendait tenir scrupuleusement sa promesse et livrer en parfait état le dépôt confié à sa garde. L'empereur, pendant les 2 jours que Marie-Louise passerait à Compiègne, ne devait pas coucher sous le même toit qu'elle. Un appartement avait été préparé pour lui à l'hôtel de la Chancellerie. Mais en cela encore, le programme ne fut point suivi. Napoléon, impatient, pénétra dans la chambre de sa jeune femme dès le soir même de l'arrivée à Compiègne, et le lendemain se produisit une scène des plus singulières. Les sœurs de l'empereur étaient réunies pour le déjeuner de famille lorsque Napoléon parut seul, disant que l'impératrice, fatiguée du voyage, déjeunerait dans son appartement. Puis, un sourire et des chuchotements ayant été surpris et mal interprétés par lui, il entra dans une violente colère. Il se serait même livré, dit-on, sur l'une de ses sœurs, à une voix de fait qui fit cesser sur-le-champ l'humeur sarcastique des autres. Pas plus sur ce chapitre que sur les autres, l'empereur n'entendait raillerie. Ainsi s'achève ce qui se passait au mariage des rois du docteur Cabanès.